ne chercherai plus ma route. Ces chemins creusés par le doute, la terre n'en sera pas plus loin, ni plus à portée de la main. J'aurais fait de ces détours tant de bonheur tourne court. Et peu importe la distance entre la joie et la souffrance, ce sera ma liberté contre la tienne, les vérités qui nous retiennent. Nos cœurs ne seront plus si lourds d'avoir emporté trop d'amour. Ma liberté contre la tienne, la volonté. Partir découvrir avec toi l'utilité de nos combats. Je serai peut-être moins forte, touchée par des rêves d'autres sortes. Fait de tant d'illusions, que même l'ignorance est un don. Je n'aurai pas d'autre langage que celui de tous les partages, jusqu'à trouver sous une pierre une petite chance pour l'univers. Ce sera ma liberté contre la tienne, les vérités qui nous retiennent. Nos cœurs ne seront d'avoir emporté trop d'amour. Ma liberté contre la tienne, la volonté d'où qu'elle me vienne. Partir découvrir avec toi l'utilité de nos combats. La volonté d'où qu'elle me vienne. Partir découvrir avec toi l'utilité de nos combats.